Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveille-toi, mon ami. Ces derniers temps, tu n'arrives plus à dormir tôt. C'est pourquoi tu deviens très lourd. Nous t'attendons. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. C'est dans la prière que tu vas remporter la victoire. Pourquoi tu te laisses abattre par ta situation? Ne te plains pas. Le Seigneur est au contrôle. Jésus est vivant. Réveille-toi. Il est capable de débloquer ta situation. Il n'y a pas un problème plus grand que Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ton Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Matthieu chapitre 3, 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Nous allons lire Matthieu 3, 1 à 11. « En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne le ministère de Jean-Baptiste. Il est pour nous un modèle. Il est un exemple aujourd'hui. Nous avons trois éléments qui devraient nous servir d'exemple quand nous voyons ce qui est dit de Jean-Baptiste. Premièrement, c'est son message. Il prêchait le message de la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, de prophètes n'aiment plus parler de repentance. Ils parlent seulement de prospérité. Viens à Jésus, tu seras milliardaire, tu vas voyager, tu auras visa, tu vas te marier. En Jésus, tu auras des villas. Oui, c'est vrai que Jésus bénit, mais Jésus là, il ne bénit pas dans le péché. Le message central dont le peuple a besoin aujourd'hui, c'est la repentance. C'est le message de la repentance qui peut faire que ceux qui se disent chrétiens changent de vie. Comment voulez-vous que dans l'église, il y ait des gens qui portent de grosses Bibles, mais ils continuent toujours dans l'immoralité sexuelle? Des gens qui se disent chrétiens, ils sont membres de loges mystiques. Comment on peut combiner ces choses? Les gens qui se disent chrétiens, mais ils sont incapables de pardonner. Quelqu'un qui se dit chrétien continue à tromper sa femme, son mari. Mais parce qu'il vient donner des grosses dîmes, on le nomme même comme diacre, on lui donne des responsabilités. Mais soyons sérieux. Donc on doit mettre l'accent sur la repentance. Et Jean-Baptiste, c'était ça son message principal. Aujourd'hui, ce message n'est pas populaire. Il est vrai que quand on prêche la repentance, ça ne va pas attirer beaucoup de gens. Mais c'est ça le message que Christ lui-même a prêché et que Jean-Baptiste a prêché. Regardez ici ce qui est dit au verset 3. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, vous voyez, car le royaume des cieux est proche. » Et ce message poussait les gens à confesser leurs péchés. Le verset 6 dit « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Et au verset 8, il dit « Produisez donc le fruit digne de la repentance. » Son message était dur, il dit « Race des vipères. » Vous savez, il y a des gens qui ressemblent à des vipères. Ce sont des gens qui ont les venins du péché. Quelqu'un vient toujours dans l'église, il vient, il prend l'Eucharistie ou bien il va à la Sainte-Seine. Tu vois, il paraît comme saint. Il y a les vipères de la haine, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté. Il y a des races de vipères. Et à ces gens-là, Jean-Baptiste n'était pas tendre. Il dit, produisez des fruits de repentance. Il y a beaucoup de vipères aujourd'hui dans l'église. Ils ont besoin de messages de repentance. Deuxième exemple à suivre dans le ministère de Jean-Baptiste, il vivait dans la modestie. Je ne veux pas dire que c'est mauvais qu'un pasteur soit béni, non. Parce que nous devons éviter deux extrêmes. Premier extrême, c'est l'extrême qui dit un pasteur doit être misérable, un pasteur ne peut pas avoir une voiture, un pasteur ne peut pas porter de beaux habits. Vous voyez ça, c'est l'extrême de la pauvreté que les gens des années où les missionnaires ont implanté des églises en Afrique ont prêché. Mais nous devons aussi éviter l'extrême où on pense que le pasteur, où les hommes de Dieu, les chrétiens doivent être celui qui est toujours le mieux habillé. Il porte des vêtements luxueux. Il habite dans les villas les plus chers. Ça, c'est aussi l'autre extrême. Et parfois, quand on cherche ces choses-là à être béni, on ne veut même pas partager avec les autres. On les accumule pour soi-même. Vous voyez ? On veut les avoir pour qu'on parle de nous. Jean-Baptiste était ce genre de serviteur qui avait la modestie. Parce qu'on nous dit ici d'abord qu'il allait prêcher dans les déserts. Les déserts pour nous aujourd'hui, ça représente aussi des villages, les hameaux. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même ministère. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont implanter des ministères dans des grandes villes. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'aller dans des villages. Là où peut-être les gens n'ont pas forcément de grosses dîmes à donner, mais ils ont besoin de l'évangile. Jean-Baptiste ici, au verset 4, on dit « Il portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas bien manger, mais on voit ici une certaine modestie. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Parfois, Dieu peut nous amener à vivre des circonstances où nous devons nous adapter, parfois pour son œuvre, accepter parfois de manger les choses que nous n'avons pas l'habitude de manger, vous voyez. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Parfois Dieu nous brise. Nous sommes habitués parfois à manger des choses ou des repas. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je ne peux pas manger tel parce que ça ne me ressemble pas. Dans notre famille, nous sommes des familles de nantis, mon ami. Parfois, le Seigneur peut te briser à cause du Christ pour que tu acceptes parfois de manger des feuilles, de manger des choses que tu n'as jamais mangées. Vous voyez les enfants d'Israël dans le désert, ils ont mangé la manne. Dieu dit la manne que tu ne connaissais pas, que je t'ai appris à manger la manne. C'était comme un brisement. Jean-Baptiste ici, nous voyons sa manière de vivre. Il était quelqu'un de modeste. Donc apprenons à être équilibrés. Surtout lorsque nous servons le Seigneur. Troisième exemple à suivre dans le ministère de Jean-Baptiste, c'est l'humilité. Oh, combien de serviteurs veulent parler d'eux-mêmes. C'est moi. Dieu m'utilise. Je suis le pasteur le plus loin. Je suis l'archibishop. Jean-Baptiste n'était pas de ce genre-là. Jean-Baptiste est venu pour révéler Jésus. Il dit qu'il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Parfois, quand on est humble, on doit accepter parfois qu'il y a quelqu'un qui est un doyen, quelqu'un qui est plus instruit, quelqu'un dont le ministère est beaucoup plus avancé et on peut chercher à aller apprendre auprès de lui. C'est aussi ça l'humilité. L'humilité de savoir reconnaître les charismes des autres, pas seulement qu'on parle de nous-mêmes. C'est aussi ça l'humilité. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit au verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Donc, on voit ici, dans la pensée de Jean-Baptiste, il voulait que Jésus soit élevé et non lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a des gens qui veulent qu'eux soient élevés et non pas Jésus. Deuxième grande vérité concerne la révélation de Jésus. Oui, les évangiles nous révèlent la personne du Christ. Ici, ce passage nous révèle que Jésus est plus grand que tous les autres prophètes. Il est plus grand et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est là où nous voyons la différence entre les baptêmes de Jean et les baptêmes de Jésus-Christ. On dit, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les baptêmes du Saint-Esprit. C'est lui qui est l'auteur. C'est Jésus, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Tu veux avoir le baptême de feu. Vous savez que le Saint-Esprit nous communique la puissance dans le ministère. C'est pourquoi nous devons être équilibrés. C'est bien de suivre la formation biblique théologique. Mais la formation biblique et théologique, sans véritablement une onction du Saint-Esprit, sans le feu du Saint-Esprit, ne peut pas avoir de l'impact. Nous devons rechercher cela, afin que notre ministère ait un grand impact. C'est pourquoi plus tard Jésus va dire, avant de monter au ciel, il va dire à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens. Marie, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, sois béni, cher Saint-Esprit. Toi, le consolateur. Il vient nous remplir de ta présence. Oh, ta présence qui nous donne la victoire. Oh, que ton nom soit élevé dans nos vies. Cher Saint-Esprit, alléluia. Tous ensemble, je vais t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Ma vie, j'ai tout quitté. Alléluia. Gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons tous ensemble nos voix pour bénir ce Dieu trinitaire tel qu'il s'est révélé à nous. Prions le Seigneur, bénissons son Saint-Nom. Nous te glorifions, éternel notre Dieu, toi qui t'es choisi des serviteurs et qui les utilise dans la puissance du Saint-Esprit. On soit béni encore pour Jean-Baptiste qui pouvait annoncer l'évangile en toute simplicité et humilité. Oh, sois magnifié pour cela. Nous te glorifions, toi le Dieu qui conduit tes serviteurs. Oh, nous te glorifions, notre Père, toi le Dieu qui l'a utilisé pour préparer le chemin du Seigneur. Sois béni de ce que tu es celui qui t'a choisi encore aujourd'hui des serviteurs pour préparer ton retour. Oh, tu es le même, tu n'as pas changé. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élevons, toi le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. Toi qui nous utilises comme de simples instruments entre tes mains et pour ta seule gloire, béni sois-tu, ô notre Seigneur, toi qui as la révélation qui est au-dessus de tous les hommes. Tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Reçois l'honneur et la gloire en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission s'appelle OSB. O, ça veut dire opération, S, B, S sur B, brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel. Et l'émission est rediffusée sur notre site web à partir de 11 heures, temps universel, et à 20 heures, temps universel. Donc, vous avez la possibilité de réécouter, mais seulement sur le web. Notre passage du jour, c'est Matthieu 3, 1 à 11. Nous venons de voir dans ce passage, Jean-Baptiste, un modèle de serviteur. C'est quelqu'un qui prêchait la repentance. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui pour que dans nos églises, qu'on prêche la repentance, afin que les gens qui viennent soient transformés. Les églises sont devenues dans certains endroits comme des clubs où les gens viennent. Il y a surtout les gens qui sont nantis, qui sont riches. Ils aiment certaines églises, ils sentent à l'aise. Pourvu qu'on ne les menace pas, on parle seulement des richesses, on parle seulement des percées, des prospérités. Bien-aimés, prions pour que ce message soit au cœur, que les gens soient transformés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, notre bienfaiteur, notre libérateur, celui qui relève notre tête. Ce matin, ô Père Éternel, nous élevons ton saint nom et nous te disons merci pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies. Tu nous as appelés, tu nous as équipés et tu nous as envoyés pour prêcher ton message. C'est pourquoi nous demandons, ô Père Éternel, que tu fasses en sorte que par ton Esprit Saint, les servantes et les serviteurs de Dieu soient incités, soient encouragés à prêcher le message de la repentance. Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère en proclamant la repentance, de même que Jean-Baptiste. La repentance est nécessaire pour l'accroissement du royaume de Dieu. La repentance est nécessaire pour le recul du royaume des ténèbres. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui empêche la prédication du message de la repentance soit lié dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous élevons contre tout message qui va dans le sens de satisfaire aux attentes et aux besoins des différents membres de nos communautés. Mais que les messages pour le changement, pour la véritable transformation soient prêchés au nom de Jésus-Christ. Nous prions contre toute peur. Nous prions contre tout manque de hardiesse et nous demandons, Père, que ton zèle brûle dans le cœur de tes prédicateurs pour annoncer le véritable message du royaume. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Père éternel, pour ce zèle que tu nous donnes pour briser les jougs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Nous venons de voir également ici que Jean-Baptiste a cultivé l'humilité. La Bible dit « L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. » Il voulait élever Jésus dans sa vie. Que chacun de nous prie pour dire « Seigneur, je veux que moi je puisse diminuer, que toi tu sois élevé dans ma vie. Que toute forme d'orgueil soit bannie de ma vie. Que je sache reconnaître aussi les dons, les talents, les charismes des autres. Que j'apprenne à m'abaisser devant les autres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous te bénissons parce que ta parole est une lumière sur notre chemin, une lampe sous nos pieds. Nous devons la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'exemple de Jean-Baptiste doit nous enseigner, doit nous instruire, doit nous conduire, doit nous guider. Il a vu en Jésus celui-là pour qui il est venu préparer le chemin. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui... il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et je suis incapable de le déchausser. Oui, Seigneur, il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est effacé devant le Fils de Dieu. Seigneur, aide-nous à reconnaître la valeur des autres. Le ministère des autres. Oh Seigneur, le rôle joué par les autres. Parce qu'ils sont habités par le Saint-Esprit. Ils sont aussi serviteurs de Dieu. Ils ont des ministères. Ils ont des dons. Ils ont des talents. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à nous soumis à ta parole. À être à la place qu'il faut. Seigneur, comme l'a fait Jean-Baptiste, aide-nous à reconnaître la valeur de ce qui est en l'autre. Parce qu'il est appelé par toi. Conduis-nous dans l'humilité. Sois béni parce que tu bénis tes enfants ce matin. Tu les accompagnes à renoncer à la jalousie, à la haine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que c'est Jésus qui est plus grand que tous les prophètes. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Nous allons prier pour que réellement le Saint-Esprit occupe une place prépondérante dans notre vie. Tu vas prier pour que le Seigneur t'accorde cette force, cette capacité de le servir par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que le feu de l'Esprit de Dieu nous embrase. Et surtout pour ceux qui servent le Seigneur, afin que notre ministère soit efficace, que notre ministère ait un impact. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, Seigneur, je vais te dire infiniment merci parce que tu ne nous as point laissés orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit et c'est toi qui nous as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Père, pour être véritablement témoin, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être baptisés par ton Esprit. Nous avons besoin du feu de ton Esprit pour que, Seigneur, dans le ministère, nous soyons efficaces. Dans les comités de l'Église, nous soyons efficaces. Pour que dans notre groupe d'activité, nous soyons efficaces. Pour que chaque jour, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Quelqu'un est baptisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est baptisé par le don de l'Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit, parce que certainement, nous allons gagner toutes nos batailles visibles et invisibles. Par la puissance du Saint-Esprit, nous serons divinement orientés dans nos prières, dans notre intercession, pour que la victoire soit notre partage. Oui, avec le Saint-Esprit, les miracles, les signes et les prodiges, en croyant, pouvez-vous nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que le séminaire à l'école du Seigneur que nous aurons le samedi 9 juillet, les inscriptions ont commencé. Ça sera sur la doctrine de l'Église catholique romaine. Nous allons voir quels sont les points communs et les points de dissemblance entre nous et nos frères catholiques. C'est l'Église la plus grande, la mieux organisée et il faut que nous puissions étudier. Il y aura un livre de plus de 80 pages. Donc venez vous inscrire à la réception des fréquences vie en payant 5000 francs. Ce sera le samedi à partir de 9h jusqu'à 13h au supper. Mais nous rappelons que ce dimanche 3 juillet, nous aurons la rencontre bonheur conjugal pour les mariés. Thème, le cause, les conséquences de la dépression dans la vie de l'homme et du chrétien en particulier. L'entrée est libre à partir de 17h. C'était OSB. Au revoir et à demain.